vacances et depuis ce jour je joue avec leur loi, je tends plus la joue, je te le jure. Je suis totalement indépendant, je me régale moins sur les bancs d'école d'antan. J'ai misé sur le biz, noyer l'espoir dans la bêtise, c'est triste, c'est la vie. Mais que veux-tu que je te dise? L'argent fait vivre un homme, j'en ai trop besoin. Et les grosses sommes, je sais que je suis né pour en prendre soin. Je passe mon temps à couper de la marocaine, y'a des requins, mais je préfère ça que leurs conneries sur leurs bouquins. La délinquance m'a payé une belle caisse, elle m'a mis bien, elle m'a plus qu'éloigné de la tristesse. Issu de ces endroits défavorisés, au marché droit est aussi dur qu'un Africain à l'Elysée. Moi j'ai misé sur le vol et le trafic, la vente de marijuana pour voir la vie plus chic. Je te jure que d'où je viens on n'a plus le choix pour s'en sortir. Que d'où je viens pour nous entendre on brûle des voitures. Je te jure, ne me parle plus de leur travail. On porte des cartons alors que d'autres portent des cravates. L'espoir, j'en ai eu besoin pour réussir. Et aujourd'hui, j'ai les moyens pour me faire plaisir. L'espoir, j'y croyais quand j'étais petit. Et aujourd'hui, y'a même l'amour qui est parti. L'espoir, j'en ai eu besoin pour réussir. Et aujourd'hui, j'ai les moyens pour me faire plaisir. L'espoir, je te jure qu'il va aller se faire voir. Et maintenant, je sais que tout ça c'est que des histoires. Un bon matin, j'ai eu le bonjour de la réussite, plus rien matin. Et depuis ce jour, ma vie est plus classique. Dès l'obtention de mon bac, j'ai enchaîné à la fac. Car y'en a marre qu'on nous mette tous dans le même sac. J'ai arraché tous leurs diplômes, j'ai pris mes précautions. Car je suis conscient qu'on ne pourra pas régler une caution. Moi à la tôle, je ne pourrais pas la supporter, la respirer. Et encore moins l'affronter. J'ai préféré m'éloigner de ces endroits au risque, de ces endroits qui effraient les touristes. On gère son propre destin, j'ai voulu réussir. Continuer l'école, c'était loin de me faire plaisir. Mais bon, j'avoue que malgré mes diplômes, je suis encore loin, loin de leurs bureaux et des grosses sommes. Mais je lâcherai pas l'affaire, les flics contre le flair. Je tiendrai pas leur mur, même s'il y a que ça à faire. L'espoir, j'en ai eu besoin pour réussir. Et aujourd'hui, j'ai les moyens pour me faire plaisir. L'espoir, j'y croyais quand j'étais petit. Et aujourd'hui, y'a même l'amour qui est parti. L'espoir, j'en ai eu besoin pour réussir. Et aujourd'hui, j'ai les moyens pour me faire plaisir. L'espoir, je te jure qu'il va aller se faire voir. Et maintenant, je sais que tout ça c'est que des histoires. Hey petit frère, t'as pas choisi la bonne solution. Car dans ton raisonnement, la fin c'est la prison. Pense à tes parents, le rêve c'était que tu réussisses. Mais pas que tu finisses la croix de leur police. Mais qu'est-ce que tu dis? Ici le choix n'est pas le même. Ici on a juste le droit, plein de contrôle de police dans la semaine. On n'a pas le choix, on est la proie de leur politique. Il faut le vivre pour voir que notre état est critique. Mais oui je comprends, mais moi je me suis armé au diplôme. C'était le seul chemin, fallait continuer à l'école. Petit frère, ils vont finir par t'abattre. Ils attendent que ça et toi tu perds ton temps à te battre. Que vas-tu dire à tes futurs gosses pour arrondir ces fins de mois? Papa était un voleur de poste. Mais non, je compte les élever dans le droit chemin. On se tiendra la main, même si c'est dur d'aller jusqu'à demain. Plongé dans l'illicite, ta seule bouée c'est la raison. Et dans le vol, y'a trop de trahison. Y'a la prison qui te guette à chaque instant. T'es loin de l'esquiver, prépare-toi pour les instants. C'est la vie, faut pas la vivre mais l'affronter. Petit, sache que tes péchés sont tous comptés. L'espoir, j'en ai eu besoin pour réussir. Et aujourd'hui, j'ai les moyens pour me faire plaisir. L'espoir, j'y croyais quand j'étais petit. Et aujourd'hui, y'a même l'amour qui est parti. L'espoir, j'en ai eu besoin pour réussir. Et aujourd'hui, j'ai les moyens pour me faire plaisir. L'espoir, je te jure qu'il va aller se faire voir. Et maintenant, je sais que tout ça c'est que des histoires.